comme la lune que les nuages ouvrent de leurs bras robustes. Ainsi dans le silence tu me révèles un parfum de rire et de pas, d'arôme de douce matinée, de réveil sans hâte, de promenade dans la savane, de nuages, grillons et cailloux, de couleurs jamais vues, dieux qui sont des planètes, de traînées constellations, de tristesse qui s'échappe. De l'aube dans la baie de Cispata jusqu'au crépuscule à Palo Negro, tu résous ce que nous avons livré. Tes problèmes qui aujourd'hui sont miens, car chaque épine de l'amour que la finesse de la joie laisse, blessure que le sourire des jours cicatrise au fil des années. De réveil sans hâte, de promenade dans la savane, de nuages, grillons et cailloux, de couleurs jamais vues, Dieu qui sont des planètes, de traînées constellations, de tristesse qui s'échappe, de l'aube dans la baie de Cispata jusqu'au crépuscule. Tes problèmes qui aujourd'hui sont miens, car chaque épine de l'amour que la finesse de la joie laisse, blessure que le sourire des jours cicatrise au fil des années.